Matthew chapter 7 verse 14. Matthieu chapitre 7 verset 14. I'm talking about the purification of the church. Je vais parler à propos de la purification de l'église. Verse 13 and 14 it says. Verset 13 et 14 c'est dit. Enter through the narrow gate. Entrez par la porte étroite. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. And many enter through it. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. But small is the gate. Mais étroite est la porte. And narrow is the road that leads to life. Resserré le chemin qui mène à la vie. And only a few find it. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Alléluia. And that is the purification that results into the remnant. Et ça, c'est la purification qui fait qu'il y a un restant. So you see in all these scriptures that I've read. Et nous voyons que toutes les écritures que j'ai lues. He is talking about purification. Il est parlé à propos de la purification. Bringing a remnant. Apportant un restant. Into golden. Dans l'or. Golden deity, presence of God. De la divinité, de la présence de Dieu. The likeness of Christ. La conformité à Christ. The spiritual likeness of Christ. La conformité spirituelle à Christ. This is actually the most important fulfillment of Bible prophecy. C'est actuellement la plus importante accomplissement de la prophétie de la Bible. Since the creation of man. Depuis la création de l'homme. Since the creation of the church. Depuis la création de l'église. Because in the Bible, Dieu dans la Bible, in the book of Genesis chapter 1 verse 26, this is what the Lord says here. Dans le livre de Genèse 1 verset 26, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Then God said, puis Dieu dit, let us make man in our image, faisons l'homme à notre image, in our likeness, selon notre ressemblance, and let them rule over the fish of the seas, et qu'ils dominent sur les poissons, and the birds in the air, sur les oiseaux du ciel, over the livestock and over the earth, sur le bétail et sur toute la terre, and over all the creatures that move along the ground on earth, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. It is God the Father, Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils, and God the Holy Spirit, et Dieu le Saint-Esprit, are having a conversation, ont une conversation, about the blueprint, à propos de la signature, about the creation of man, the church, à propos de la création de l'homme, l'église, and he says, let us make him in our image and likeness. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. What is that image and likeness of God? Qu'est-ce que c'est cette image et cette ressemblance à Dieu? It is a spiritual image. C'est une image spirituelle. And likeness of God. De la ressemblance à Dieu. No wonder the two wedding rings. Pas étonnant que les deux anneaux de noces are mirror images. Sont à une image tellement ressemblante qu'on croirait qu'ils sont dans un miroir. Composed of the same blessed and much celebrated richer heavenly gold. Same. Composé du même or béni, très célébré et très riche et céleste du même or. The one that Christ will wear. Celui que Christ va porter. And the one that the church wears. Et celui que l'église va porter. And the wedding rings. Les anneaux de noces. Are spiritual wedding rings. Sont des anneaux spirituels. And I'm so blessed to realize. Et je suis tellement béni de réaliser. That after the fall of man. Que après la chute de l'homme. Then we see the Lord sending Jesus. Nous voyons le Seigneur envoyer Jésus. To redeem man from the fallen position. Pour racheter les hommes de la chute. To bring into completion. Pour apporter à l'achèvement. And fulfillment of this prophecy here. À l'accomplissement de cette prophétie ici. Let us create man. Créons l'homme. In our own image and likeness. À notre propre image et ressemblance. Listen to me somebody. Écoutez-moi. The image and likeness of God. L'image et la ressemblance à Dieu. is a holy image. Est une image sainte. Is a spiritual image. C'est une image spirituelle. And that's why I said. Et c'est pourquoi je dis. She has to be spirit-filled. Elle doit être remplie de l'esprit. Because the image of God is spiritual. Parce que l'image de Dieu est spirituelle. If she were fleshy. Si elle était charnelle. And earthly. Et terrestre. The flesh bears a lot of sin. La chair porte beaucoup de péchés. Our God is holy. Or, Dieu est saint. So you begin to realize. Alors, vous commencez à réaliser. That the day of the rapture. Que le jour de l'enlèvement. Is actually the day of the fulfillment of this prophecy. Est actuellement le jour de l'accomplissement de cette prophétie. In Genesis chapter 1 verse 26. De Genèse chapitre 1 verset 26. Because the flesh. Parce que la chair. Brings with it death. La chair apporte la mort. Let me begin it from here. Laissez-moi commencer par ça. The flesh. La chair. Brings with it sin. Apporte avec elle le péché. The sinful desires of the flesh. Les désirs pécheurs de la chair. But the wages of sin. Mais le salaire du péché. Is death. C'est la mort. That's why the flesh is so much loaded. C'est pourquoi la chair est tellement chargée with death. Avec la mort. But God. Mais Dieu has no death. A vaincu la mort. So you begin to realize. Alors, vous commencez à réaliser that on the day of the rapture, que au jour de l'enlèvement, the church that is raptured in heaven, l'église qui sera enlevée au ciel, is the church that has crossed from death into eternal life. C'est l'église qui a passé de la mort à la vie éternelle. Never again will death touch her. Plus jamais la mort ne la touchera. So she wears the imperishable. Mais aussi, elle se revêt de ce qui est impérissable. The immortal, the holy image of God. L'immortel, la sainte image de Dieu. And the likeness of God. Et la ressemblance à Dieu. That is the fulfillment of this scripture. Ça, c'est l'accomplissement de cette écriture. Alléluia. Alléluia. And that's why. Et voilà pourquoi. The wedding rings are made of pure gold. Les anneaux de noces sont faits en or pur. Heavenly gold. De l'or céleste. And they are very identical. Et ils sont très semblables. Because on that day. Parce que en ce jour. Even the mortal church. Même l'église mortelle has crossed over into immortality. A passé du côté de l'immortalité. So she enters into the spiritual likeness of God. Et comme ça, elle entre dans la spirituelle ressemblance de Dieu. Genesis chapter 5. Genèse chapitre 5. Just to finish on that. Juste pour finir à propos de ça. Verse 1. Le verset 1. This is the written account of Adam's line. Voici le livre de la postérité d'Adam. When God created man, lorsque Dieu créa l'homme, he made him in the likeness of God. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alléluia. So you see very clearly. Alors, vous voyez vraiment clairement that our God is speaking to the church. Que notre Dieu est en train de parler à l'église. By presenting the two wedding rings. En présentant les deux anneaux de noces. Made out of the same gold. Étant fait du même or. Pure gold. L'or pur. Much desired. I've used the word celebrated in heaven. Très désiré. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot célébré dans le ciel. Much celebrated gold. De l'or très célébré. He is telling the church. Il est en train de dire à l'église. You must wear the likeness of God. Tu dois revêtir la ressemblance à Dieu. You must be the mirror image of God. Tu dois être l'image de Dieu, comme dans un miroir. Let me bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. And now he talks about. Et maintenant, nous parlons à propos. The path that leads to heaven. Le chemin qui mène au ciel. And he says the wide path. Et il dit le chemin large. Many are walking there. Il y en a beaucoup qui marchent là. And the book of Matthew 7:13-14. Le livre de Matthieu 7, 13 et 14. But the narrow path, mais le chemin étroit, only few are walking there. Seulement peu y marchent là. Which means unpopular. Qui signifie qu'il est impopulaire. Alléluia. Alléluia. In other words, he's telling the church. En d'autres mots, il dit à l'église. The look from the wedding rings. Ça fait comprendre que les anneaux de noces. You can see the character of the bride of Christ. Vous pouvez voir le caractère de l'épouse de Christ. She is not popular with the world. Elle n'est pas populaire avec le monde. Alléluia. Alléluia. She's walking the narrow path. Elle marche sur le chemin étroit. And look at this somebody. Regardez à ça. She has to find it first. Elle doit le trouver. You have to search for it. Vous devez chercher pour ça. And find the path. Et trouver le chemin. Et très peu y marche là. That means she is not popular with the ways of the world. Ça veut dire que elle n'est pas populaire avec la sagesse de ce monde. She has not compromised with the wealth of the world. Elle ne s'est pas compromise avec la richesse de ce monde. With the things of the world. Avec les choses de ce monde. With the lust of the flesh of the world. Avec la luxure de la chair de ce monde. You remember the flesh is the world. Vous vous souvenez, la chair, c'est le monde. She's walking a narrow and popular path. Elle marche sur un chemin impopulaire et étroit. Alléluia. Alléluia. And that speaks about. Ça parle à propos de comment Dieu. How God is going to take out of the big lot in the church. Comment Dieu va prendre hors du grand tas dans l'église. And purify only remnant. Et purifier seulement un restant. It brings you back to where we started. Ça nous ramène là où nous avons commencé. The book of Zechariah, chapter 13. Le livre de Zacharie, chapitre 13. Verses 7 to 9. Les versets 7 à 9. I'll purify them like silver. Je veux les purifier comme l'argent. Test them like gold. Les tester comme l'or. Let me bring you to Matthew 24. Laissez-moi vous ramener à Matthieu 24. On this purification, what a mighty day in the kingdom of God. Quel est ce puissant jour du royaume de Dieu? Aren't we blessed to hear this from the Lord? Ne sommes-nous pas bénis de recevoir ça du Seigneur? Matthew 24, I'm beginning from verse 36. Matthieu 24, et je commence par le verset 36. He's talking about the rapture. Il est en train de parler à propos de l'enlèvement. No one knows the day or the hour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, not even the angels in heaven, ni les anges des cieux, nor the Son, ni le Fils, but only the Father, ne le sait, mais seul le Père. Alléluia. Alléluia. Verse 37, Matthew 24. Le verset 37 de Matthieu 24. As it was during the days of Noah, ce qui arriva du temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. And right away you see that, et juste après, vous voyez que. And right away you see that the majority rejected righteousness. La majorité a rejeté la justice. When Noah went around preaching holiness, quand Noé a commencé à prêcher à propos de la sainteté et de la justice, the majority rejected. La majorité a rejeté. Only a remnant. Seulement un restant, très petit restant. Noah and his family. Noé et sa famille. Accepted the righteousness of the Lord. Ont accepté la justice du Seigneur. Do you begin to see the process of purification he's talking about? Est-ce que vous commencez à voir le processus de la purification dont il parle? And now he say. Et maintenant il dit. Like it was during the time of Noah. Comme c'était durant le temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Alors ça va être la même chose lors de l'enlèvement. At the time of Noah, what did you see? Au temps de Noé, qu'est-ce qu'on a vu? There was judgment. Il y a eu un jugement. Majority were swept by floods. La majorité a été balayée par le déluge. The purification came like judgment. La purification vient comme un jugement. And that's the fire we've been talking about. Ça, c'est le feu à propos duquel nous avons parlé. That is the Matthew chapter 3, the winnowing fork. Alors dans Matthieu chapitre 3, à propos du vent. John the Baptist says the axe is already at the foot of the tree. Jean-Baptiste a dit la hache est déjà au pied de l'arbre. That tree that does not bear the fruit of repentance. Cet arbre ne porte pas les fruits de la repentance. That means the church that repents. Ça signifie que l'église qui se repent and does not bear the fruit of holiness et qui ne porte pas le fruit de la sainteté will be cut down. Va être coupée. You see that? Vous voyez ça? And you see that Jesus comes with a winnowing fork. Et vous voyez que Jésus vient avec un vent. He's separating the chaff, burning with unquenchable fire. La brûlant dans un feu qui ne s'éteint pas. And he has a little remnant that is wheat. Et il a un petit reste qui est son blé. The character of the bread of life. Caractère du pain de vie. They are fed on the bread that is Christ, the bread from heaven. Ils se sont nourris du pain du ciel qui est Christ. Now they wear the image of Christ. Maintenant, ils se sont vêtus de l'image de Jésus. That is the remnant he takes in. Ça, c'est le restant qu'il prend. That is the judgment that comes during purification. Ça, c'est le jugement qui vient. And that is the fire that the Holy Spirit brings. Ça, c'est le feu que le Saint-Esprit apporte. To purify the church. Pour purifier l'église. Now listen to what he says further on here. Maintenant, écoutez ce dont il parle plus loin. For in the days before the flood, parce que les jours avant le déluge, people were eating and drinking and marrying and giving in marriage. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Up to the day Noah entered the ark. Avant le jour où Noé est entré dans l'arche. And they knew nothing about what would happen until the floods came, then took them away. Et ils ne savaient rien avant que le déluge vienne et les emporte. Look at that, somebody. Écoutez ça. This is how it will be at the coming of the Son of Man. Et c'est comme ça que ce sera à la venue du Fils de l'homme. What do you see in the church today? Qu'est-ce que vous voyez dans l'église maintenant? They love pleasure. Ils aiment le plaisir. The churches that are full are churches that have a lot of multimedia networks. Les églises qui sont pleines sont les églises qui ont des multi-réseaux de médias. A lot of entertainment. Un tas de divertissements. There's a lot of praise and worship like dancing. Un tas de louanges et adorations comme danser. It's entertainment going on. Some even present comedy, mid-service. Des divertissements prennent place et même des comédies au milieu du service. And he says, et vous dites, two men will be in the field. Deux hommes vont être dans le champ. One will be taken. L'un va être pris. And the other will be left. Et l'autre va être pris. Do you see the purification of the bride of Christ? Vous voyez la purification de l'épouse de Christ. Two men will be in the field. De deux hommes qui seront dans le champ. One will be taken. L'un va être pris. And the other will be left. Et l'autre va être laissé. He says, two women will be grinding with a hand mill. De deux femmes qui moudront le grain. One will be taken. L'une sera prise. And the other will be left. Et l'autre sera laissé. Somebody, are you hearing me on the process of purification? Est-ce que vous m'entendez dans ce processus de la purification? That is the meaning. Ça, c'est le sens of the gold. De l'or that constitutes qui constitue the two wedding rings, les deux anneaux de noces that the Lord God our Father, the one that is preparing the wedding of the Lamb, le Seigneur Dieu notre Père, celui qui est en train de préparer le mariage de l'agneau, presented on the 1st of November, présenté le 1er novembre the year 2006, de l'année 2006. When the Lord God presented on the 1st of November, quand le Seigneur Dieu a présenté le 1er novembre, the year 2006 at 3 o'clock in the morning, de l'année 2006 à 3 heures du matin, pure golden rings, des anneaux d'or pur, two of them very identical, tous les deux très identiques. In other words, he said, en d'autres mots, il a dit, it is talking about the process. Parler à propos du processus I have taken to purify this gold, que j'ai pris pour purifier cet or, to make it pure gold, much celebrated gold, pour en faire de l'or pur qui soit très célébré, de l'or très célébré. That is the same process. C'est le même processus I will take to purify the bride of Christ, que je veux utiliser pour purifier l'épouse de Christ. So she may be able to qualify to put the pure gold, pour qu'elle puisse être capable de se qualifier pour mettre l'or pur. She'll wear the pure gold. Elle se vêtira de l'or pur. She has to have been purified. Elle a à être purifiée. And he says, two men will be in the field. Et il a dit, deux hommes qui seront dans un champ. One will be taken. L'un sera pris. They are on the left. Et l'autre laissé. Two women will be grinding in the mill. De deux femmes qui moudront le grain. One will be taken, the other will be left. L'une sera prise et l'autre laissée. Hallelujah. And he says, alléluia. Et il dit, therefore keep watch. Alors, veillons. Because you've not known on what day or hour the Lord comes. Parce que nous ne savons pas quel jour notre Seigneur vient. But listen to something and I want to expound on this. Écoutez, à propos de quelque chose que j'aimerais vous exposer à propos de ça. Also during the days of Noah, aussi du temps de Noé, it's very clear, c'est très clair, in the book of Genesis, chapter 7, dans le livre de Genèse, chapitre 7, somebody had told you this is going to be very deep wisdom the Lord has released to the church. Je vous ai dit, ça va être une très profonde sagesse que le Seigneur a révélée à l'Église. Verse 16, what does it say? Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Genesis 7, 16, he says, dans Genèse 7, 16, il est dit, the animals going in were male and female. Les animaux qui entraient étaient mâles et femelles. Of every living thing, de toute chair, as God had commanded Noah, comme Dieu l'avait commandé à Noé. You see that? Listen to what he says. Vous voyez ça? Écoutez ce qu'il est dit. Then the Lord shut him in. Puis l'Éternel ferma la porte. Is somebody with me here? Et si quelqu'un est avec moi maintenant? That is the meaning, that is the revelation. Ça c'est le sens, ça c'est la révélation that the Lord is giving the church, que le Seigneur donne à l'Église, regarding the two pure golden wedding rings, en regardant les deux anneaux d'or purs that he placed in the sky, qu'il a placé dans le ciel, on the 1st of November, le 1er novembre 2006, 2006. And he placed them at the entrance to heaven. Et il les a placés à l'entrée des cieux. In other words, he's saying, en d'autres mots, il est en train de dire, make sure you enter through the wedding of the Lamb. Soyez sûr que vous entriez dans le mariage de l'agneau. After that, the doors always shut. Après ça, la porte se ferme toujours. And the Bible does not say, Noah shut the door. Et la Bible ne dit pas Noé a fermé la porte. Because if Noah had to shut, parce que si c'était Noé qui avait fermé, he might sympathize with, oh, that is so and so. Let me just open for two more. They are suffering. They are drowning. Il pourrait sympathiser et dire, oh, c'est ci et ça. Laisse-moi juste ouvrir pour encore deux qui souffrent et qui se noient. The Lord, the judgment of the Lord. Le Seigneur, le jugement du Seigneur. Shut the door. Ferme la porte. Took one and left the other. Prends un et laisse les autres. Alléluia. Alléluia. And that's the same revelation. I'm going ahead of myself. Et c'est la même révélation que je suis en train de voir devant moi. That you see Matthew 25. Hallelujah. Ça c'est dans Matthieu 25. Alléluia. Alléluia. The door always shut. La porte toujours se ferme. That is the message of the wedding rings to the church. Ça c'est un message des anneaux de noces pour l'Église. No wonder they are pure gold. Pas étonnant que l'or pur. And they are sitting right at the entrance to heaven. Et ils sont placés juste à l'entrée des cieux. He said, "This is the only entrance to heaven. Don't miss this one here." C'est la seule entrée pour le ciel. Ne la manquez pas, celle-ci. After this, it is closed. Après ça, c'est fermé. There comes the tribulation. Alors voilà, vient la tribulation. And at that time, he's so much concerned about the Hebrew church. Et ce temps est tellement concerné à propos de l'église des Hébreux. The 144,000. Les 144,000. And he says the Antichrist comes. Et il dit que l'Antichrist vient. And if you don't believe and take the sign of the beast, the mark of the beast, you are beheaded. Et si vous croyez et que vous refusez la marque de la bête, vous allez être décapité. How many Christians in this life where we are today? Combien de chrétiens dans cette vie que nous vivons maintenant can withstand beheading? Acceptent décapité. They quickly run and wear the mark. Ils veulent rapidement courir et accepter la marque de la bête. And he goes on by saying, et il continue en disant, for those that will refuse the mark, pour ceux qui ont refusé la marque, the few remnant, le petit restant, I will send my spirit of delusion, je veux envoyer mon esprit d'illusion to confuse them to believe the beast. Pour les rendre confus et croire la bête. That means surely the door shuts on the day of the rapture. Ça signifie que sûrement la porte va se fermer le jour de l'enlèvement. Let me go ahead of myself. Laissez-moi aller encore plus loin. Matthew chapter 25. Look at what he says here, precious people. Matthieu 25. Voyez ce dont il est parlé ici, vous précieuses personnes. Matthew 25 verses 5 and 6. Matthieu 25 versets 5 et 6. The bridegroom was long time in coming. Comme l'époux tardait à venir. And they became drowsy and fell asleep. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieuses personnes. When you continue with that Matthew. Quand nous continuons avec cet endroit de Matthieu. Matthew 25. Matthieu 25. You go all the way down to verse 10. It says. Vous descendez jusqu'au verset 10 où il est dit. But while they were on their way to buy oil, pendant qu'elles allaient en acheter, the bridegroom arrived, l'époux arriva, and the virgins who were ready went in with him, et celles qui étaient prêtes entrèrent, to the wedding banquet, and listen to what he says, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et écoutez ce qu'il dit, and the door was shut, et la porte fut fermée. I'm going to come back to this scripture. Je veux revenir à cette parole. When I'm handling the clock. Quand je parlerai de la pendule. But for now, parce que maintenant, I want to emphasize to you, j'aimerais mettre l'accent pour vous the deeper revelation, sur la plus profonde révélation about the rapture of the church, à propos de l'enlèvement de l'Église. The importance of the rapture of the church, l'importance de l'enlèvement de l'Église to the church of Christ, pour l'Église de Christ. Why she must make sure she strives to enter there. Pourquoi elle doit être sûre qu'elle s'efforce d'entrer là. And I'm telling you very clearly, et je suis en train de vous dire très clairement that the Lord is saying, que le Seigneur est en train de dire like it was during the time of Noah, comme c'était du temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Alors ça va être la même chose quand le Fils de l'homme viendra. We have seen at the time of Noah, nous avons vu qu'au temps de Noé, people did not like holiness. Les gens n'aimaient pas la sainteté. They loved pleasure. Ils aimaient le plaisir. Marrying, giving to marry, drinking and eating. Se marier était donné en mariage, mangeait et buvait. No one was fasting. Noé était en train de jeûner. Comedy in churches. Des comédies dans les églises. Entertainment in churches. Divertissement dans les églises. Churches became entertainment centers. Les églises deviennent un centre de divertissement. You see that today. Vous le voyez aujourd'hui. And the other thing he said, et l'autre chose qu'il dit, he purified the church, il a purifié l'église, and he took a remnant, the Noah's family. Et il a pris un restant, la famille de Noé. And the process of purification, et le processus de la purification, is the fire of the Holy Spirit that I've been talking about now, c'est le feu du Saint-Esprit dont on a parlé maintenant, that is going to purify the church, qui va purifier l'Église, and remain with the remnant, et rester avec le restant. But we saw that in Genesis. Alors on a vu que dans Genèse, chapter 7 verse 16, le chapitre 7 verset 15, after the animals entered, après que les animaux sont entrés, then the Lord shut the door. Alors le Seigneur a fermé la porte. We have also seen, nous avons aussi vu in Matthew 25, dans Matthieu 25, verse 10, the last segment, la dernière partie du verset 10, after the virgins that were ready, après que les vierges qui étaient prêtes entered in the banquet, the wedding of the lamb, sont entrées dans la salle du festin de l'agneau, the rapture, l'enlèvement, the Lord shut the door. Le Seigneur a fermé la porte. What does that tell you about the rapture? Qu'est-ce que ça est en train de vous dire à propos de l'enlèvement? God has revealed to the church, Dieu a révélé à l'Église the most important revelation of our time. La plus importante révélation de ce temps. Don't miss the rapture. Do everything, but don't miss the rapture. Ne manquez pas l'enlèvement. Faites tout, mais ne manquez pas l'enlèvement. Do everything not to miss the rapture. Faites tout pour ne pas manquer l'enlèvement. After the rapture, après l'enlèvement, the doors always shut. La porte est toujours fermée. Viewers, I want to move to the next level. Auditeurs, je voudrais vous amener au niveau suivant. Still on the wedding ring. Encore à propos de l'anneau de noces. Alléluia. Alléluia. What is the Lord speaking to the church? Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église? The church of Christ. L'Église de Christ. By presenting the two wedding rings in the sky. En présentant les deux anneaux de mariage dans le ciel. Both of them made of pure gold. Tous les deux faits en or pur. Very highly decorated. Très hautement décoré. And refined. Et raffiné. Pure gold comes out of refining. L'or pur vient à travers le raffinement. The process of removing impurities. Le processus pour enlever les impuretés. The fire that removes the rest, the silver, the bronze, the iron. Le feu qui enlève les impuretés, l'argent, le fer, le bronze. The aluminium, the zinc. L'aluminium, le zinc. And then we have pure gold left. Ensuite, il reste l'or pur. Fire purifies gold. Le feu purifie l'or. Alléluia. Alléluia. What is the Lord speaking to the church by presenting? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église en présentant? Those very well developed. C'est très bien développé. That tells you of how much time. Ça vous dit combien de temps? To purify pure gold takes a lot of time. Pour purifier de l'or pur, il faut beaucoup de temps. To develop a pure design. Pour développer un design pur. A mighty design like what the Lord presented to me. Un puissant dessin comme celui que le Seigneur m'a présenté. With little dots of pure gold. Avec des petits points d'or pur. Takes a lot of time. Ça prend beaucoup de temps. What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? Is he just showing me a comedy? Est-ce qu'il m'a montré une comédie? Is he showing me a movie? Est-ce qu'il m'a montré un film? Does God have that time? Est-ce que Dieu a le temps pour ça? Listen to this now. Écoutez ça maintenant. Every time there is going to be a wedding, chaque fois qu'il va y avoir un mariage, and the wedding rings are ready, et que les anneaux de noces sont prêts, that tells you, ça vous dit, even the wedding gown, même la robe de mariée must be ready. Doit être prête. Alléluia. Alléluia.